Les entrepreneuses engagées avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Fadjet la radio et on est ensemble pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui nous tient à cœur chez France Active Lorraine. C'est l'association Au pas des chevaux qui propose de la médiation équine pour les publics les plus fragiles et qui lance sa campagne de financement participatif pour l'aider à investir dans du matériel pour le développement de son activité. J'ai donc le plaisir de recevoir Émilie Adé, présidente de l'association. Bonjour Émilie. Bonjour Morgane. Alors tout d'abord Émilie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton association Au pas des chevaux ? Oui, tout à fait. Alors je vais déjà me présenter. Donc moi je m'appelle Émilie Adé, je suis ergothérapeute depuis 12 ans et je me suis formée en médiation équine et en équimotricité il y a 12 ans. Et en septembre 2020, j'ai décidé de créer mon association qui s'intitule Au pas des chevaux. Et l'association elle est composée de moi, qui suis la présidente de l'association. Donc il y a aussi ma collègue Déborah Voirgard, en fait, pour l'instant, elle est bénévole chez nous et on prévoit justement de l'embaucher dans l'association pour qu'elle puisse m'aider à m'occuper des chevaux et surtout à prendre en charge les personnes en situation de handicap lors des séances. Et on a aussi Jeanne Leroy, qui est bénévole dans l'association et elle qui vient s'occuper des poneys tous les jours, qui vient aussi s'occuper de ramasser les crottins, leur donner à manger, vérifier qu'ils ont de l'eau et que tout aille bien. Et on a aussi trois mamans qui sont bénévoles en fait au sein de l'association. J'ai leur enfant en prise en charge et elles ont décidé de s'investir dans l'association pour promouvoir justement les bienfaits de la médiation équine au sein des personnes en situation de handicap. Et donc le but de mon association, c'est d'accueillir des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale et en fait de leur proposer des séances de médiation équine pour améliorer, on va dire, leur capacité, leur autonomie et surtout réduire leur handicap. C'est un très beau projet. Comment on peut te contacter déjà si on a envie de faire appel à toi ? On peut me contacter soit par mail. L'adresse mail, c'est opadeschevaux54@gmail.com ou sinon, on peut me contacter directement sur mon téléphone au 06 82 58 79 39. Et tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste une séance de médiation équine, c'est comment déjà se passe la séance et surtout quel bienfait ça peut apporter ? Alors, au tout début, quand je reçois les enfants pour la première fois, ils vont venir pour visiter le centre pour pouvoir, se familiariser avec les lieux parce que c'est pas toujours évident d'approcher des animaux et surtout des poneys parce que c'est des animaux qui sont assez imposants et il y a des personnes qui peuvent avoir peur justement du cheval. Et on va faire une visite du centre pour présenter les différents lieux où les activités vont se dérouler. Et pour présenter les poneys, parce qu'on en a 10 sur le site. Et suite à la visite, on se pose en fait avec la famille pour faire un entretien de l'autonomie, on va dire, de l'enfant ou de l'adulte, du handicap qu'il a, et surtout voir les objectifs des parents, si c'est les parents qui les amènent, ou du centre, si c'est un centre de rééducation qui va emmener les personnes. Et donc, suite à ça, moi, je vais faire une première séance d'observation pour voir un petit peu comment la personne va se débrouiller, on va dire, avec le poney et voir vraiment toutes les difficultés qu'elle peut avoir en lien avec son handicap ou pas. Parce qu'il n'y en a pas forcément, ou alors c'est du handicap invisible, par exemple des dépressions, des burn-out, ça se voit pas forcément. Et suite à tous les bilans qu'on aura fait, on va pouvoir vraiment rentrer dans des prises en charge. Donc en fonction des objectifs qui seront fixés, moi je propose différentes activités pour la personne. Par exemple, on va avoir des séances de pansage où la personne va vraiment être en lien avec le cheval, centrale et va essayer de tisser en fait un lien. Donc ça va être plus pour des personnes qui ont du mal à entrer en relation avec d'autres personnes, ou alors par exemple qui ont des problèmes d'autonomie à la toilette, à l'habillage, parce que le fait de s'occuper d'un cheval, c'est comme nous en fait, on doit le laver, le brosser, donc on retranscrit en fait les choses qu'on apprend au poney dans les activités de la vie quotidienne des personnes. On a d'autres activités comme le travail en liberté, comme des promenades aussi avec le poney où la personne n'est pas forcément dessus, parce que le but c'est pas de monter à cheval forcément, c'est vraiment en fonction des objectifs. Et on a aussi la monte à poney pour des enfants qui ont des problèmes cérébraux, parce que en fait le fait de monter à cheval, ça peut recréer des connexions neuronales au niveau de certaines personnes. Ça va favoriser aussi la marche, la station debout. Et on a aussi une activité avec le saddle chariot. Alors, c'est une sorte de calèche. Ça vient d'Écosse. Et en fait, c'est une calèche pour faire monter des personnes en fauteuil roulant dedans. Donc, la personne n'a pas besoin d'être transférée sur un siège. Elle monte directement avec son fauteuil roulant. Donc, ça favorise... c'est facilitant, on va dire, pour la personne. Il y a moins de douleur. Et on part comme ça en balade dans la forêt, sur la voie verte. Parce que ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le centre est situé à Essey-lès-Nancy. Il se trouve avenue de Saulsure et donc on est vraiment bien situé au cœur de la forêt, près de la voie verte, donc on a beaucoup d'activités qui se passent, tout se passe à l'extérieur en fait. Comme je l'ai dit en début d'émission, tu lances ta campagne de financement participatif sur la plateforme aux côtés de France Active Lorraine. Alors pour expliquer rapidement aux auditeurs qui connaissent pas encore le fonctionnement du financement participatif, en fait c'est des porteurs de projets, aussi bien des particuliers, des associations ou des entreprises, qui font appel à la participation du public afin de financer leurs idées, leurs programmes ou leurs produits. Aujourd'hui, ces levées de fonds ou de collecte, elles passent essentiellement sur des plateformes web. Et justement, France Active a développé sa plateforme qui s'appelle Aux Côtés et qui a la particularité de fonctionner sur le modèle d'abondement participatif. C'est-à-dire que les dons des citoyens sont multipliés par les partenaires publics et privés qui s'engagent aux côtés des projets. C'est-à-dire que pour 1 euro versé par un citoyen pour un projet, une entreprise et une collectivité s'engage à verser 1 euro. Les dons sont donc multipliés par 3 et c'est vraiment un levier pour les projets qui sont la plupart en phase d'émergence, comme ton association Émilie. Ça fait. Alors Émilie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta campagne de financement et pourquoi tu t'es lancée là-dedans ? Alors, je me suis lancée dans cette campagne parce que tout comme association qui débute, c'est vrai que j'ai besoin de fonds pour pouvoir aménager le site. Parce que là, à l'heure actuelle, on a uniquement des prêts et quelques box pour les poneys. Et il nous manque des choses pour pouvoir recevoir le public et faciliter justement l'accès au centre. Et donc, faisant partie de France Active Lorraine, pour moi, je trouvais que c'était, on va dire, la suite logique de mon projet de pouvoir... participer à cette campagne aux côtés et surtout c'est facilitant parce que comme tu l'as dit Morgane, le fait d'avoir 1 euro multiplié par 3, au final les gens n'ont pas forcément besoin de donner beaucoup pour que l'association puisse récolter justement de l'argent et donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer sur cette plateforme. Et du coup, tu as 3 paliers, il me semble. Donc, ça va te servir à financer quoi exactement ? Alors, du coup, au niveau des paliers de financement, donc nous, le premier palier, c'était pour pouvoir financer des dalles de stabilisation, justement, au niveau du sol. Ce sont des dalles en caoutchouc recyclé qui viennent se clipper les unes dans les autres pour pouvoir faciliter un chemin pour les personnes qui sont en fauteuil roulant et pour pouvoir aussi faciliter le nettoyage du centre parce que, les poneys... ils font aussi leurs besoins et c'est plus facile de ramasser quand c'est sur des dalles de stabilisation que quand c'est sur la terre. Ensuite, pour le palier supérieur, si on atteint les 9000 euros, c'est pour financer une tente de longe. En fait, sur place, on a un rond de longe qui permet de travailler les chevaux et de faire des activités en liberté avec des personnes. Et pour être à l'abri du soleil et à l'abri du vent, de la pluie, on aimerait bien mettre un toit en fait au-dessus de ce rond de longe pour pouvoir faire des activités par tout type de temps, parce que là c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand il fait beau c'est bien pratique d'être dehors, mais quand il pleut ou qu'il y a beaucoup de vent et qu'on est avec des personnes handicapées, c'est pas toujours évident de les faire travailler et surtout de les faire rentrer dans l'activité parce qu'elles ont froid, parce qu'elles sont mouillées, donc c'est vraiment pas top pour eux. Et le dernier palier, c'est si on atteint 15 000 euros, on voudrait aussi construire des toilettes écologiques accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Parce que là, sur le site, on n'a pas de toilette du tout. Donc, du coup, c'est vraiment, c'est vraiment un objectif de pouvoir atteindre ces trois paliers, finalement, pour pouvoir construire et aménager le centre. Et du coup, tu peux nous dire à combien combien tu as récolté Alors, au niveau de la campagne, pour l'instant, on est à 5 610 euros. Et il nous manque à peu près 9 000. Donc, un peu plus du tiers. C'est ça. Ok, super. Alors, j'ai expliqué précédemment que les campagnes aux côtés, elles fonctionnent sur le principe d'abondement participatif. Dans ton cas, tu peux nous dire quelles sont les entreprises et les collectivités qui soutiennent ton projet et qui s'engagent à verser 1 euro pour chaque euro récolté ? Alors, dans mon projet, il y a les Grands Moulins de Paris qui se sont donc engagés à financer mon projet. J'ai la Massif aussi qui s'est manifestée pour faire partie de ce projet. Et évidemment, on a le département de Meurthe-et-Moselle qui s'est vraiment investi justement dans la campagne aux côtés et qui finance les projets, donc c'est vraiment super. Et voilà. C'est super. C'est vrai que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle soutient toutes nos campagnes aux côtés en Meurthe-et-Moselle et on les remercie pour ça. Alors c'est vraiment un beau projet à soutenir en tout cas, mais c'est aussi l'opportunité de découvrir le monde équestre, car il me semble que les citoyens qui vont t'aider à financer ton projet vont recevoir des contreparties. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors au niveau des contreparties, donc on a plusieurs types de contreparties. Je vais vous les citer tous, comme ça vous pourrez savoir un petit peu à quoi vous attendre. Donc si vous donnez 10 euros ou plus, vous aurez la possibilité d'être sur notre mur des donateurs, en fait sur notre site internet. On créera une page spécifique pour les personnes qui ont contribué donc à hauteur de 10 euros ou plus pour l'association. Ensuite, si vous dépassez 30 euros ou plus, vous aurez le droit d'avoir une promenade en forêt avec un poney. Donc, au choix, soit vous pouvez marcher en fait à côté du poney, soit vous pouvez monter sur le poney pour pouvoir profiter sereinement d'une promenade. Ensuite, pour 50 euros ou plus, il y aura une séance d'équimotricité donc qui sera offerte, où là, vous allez réaliser un parcours en fait avec le poney et passer différents obstacles, donc que ce soit des obstacles où vous devriez marcher dessus ou enjamber, et faire travailler aussi vos mains pour travailler tout ce qui va être motricité fine et motricité globale. Ensuite, pour 100 euros et plus, donc il y aura une séance de médiation équine qui sera offerte, où là, vous pourrez vraiment vous mettre dans la peau, entre guillemets, si je puis dire, d'une personne qui est en difficulté et qui a des besoins particuliers pour pouvoir tester vous-même justement les bienfaits de la médiation et pouvoir rentrer en contact avec les poneys. Et pour 200 euros ou plus, vous aurez la possibilité de monter dans le fameux saddle chariot pour profiter d'une promenade en calèche. Parce que même si elle est adaptée avant tout aux personnes en fauteuil roulant, des personnes valides peuvent très bien se mettre dedans parce qu'on peut adapter en fait un siège spécifique pour des personnes valides dans cette calèche. Donc vous avez compris, chers auditeurs, soutenir la campagne d'Emilie, c'est l'occasion de l'aider à développer son activité de médiation équine, mais c'est aussi le moyen de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses enfants, par exemple, en leur offrant une balade à poney cet été. Alors Emilie, on te connaît depuis longtemps chez France Active Lorraine, car avant d'en arriver là, tu es passée par les dispositifs de la Serra Projet et du Créalab Lunéville. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionnée sur l'année l'année 2022 pour pouvoir participer à la Serre à Projet, donc le dispositif de France Active Lorraine, où là, j'ai pu rencontrer d'autres entrepreneurs qui, comme moi, étaient en train de monter leur entreprise et savaient pas trop comment, on va dire, se placer dans la société actuelle. Et j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidée à monter mon projet, donc notamment Morgane, qui est là avec nous, Yann et Bérangère, qui étaient, on va dire, les animateurs de nos séances. Donc nous, on avait rendez-vous tous les mois pour une après-midi avec différents thèmes où on nous aidait à trouver des partenaires financiers, où on allait nous aider à trouver le modèle économique le plus adapté à notre structure. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Ça m'a beaucoup soutenue aussi parce que j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient du mal comme moi à démarrer et puis à faire avancer leur projet. Et je les en remercie énormément parce que même si, on va dire, l'aventure de la Serre à Projet est finie, ils sont toujours derrière moi. Ils m'appellent régulièrement, on se rencontre régulièrement pour pouvoir justement échanger, savoir où on en est. Grâce à France Active Lorraine, j'ai aussi eu l'occasion d'intégrer la place de l'émergence où là aussi j'ai pu aller défendre mon projet sur Paris et où grâce à ça j'ai récolté aussi une donation pour pouvoir acheter les premiers poneys et faire les premiers aménagements justement sur le centre. Et j'ai eu aussi l'occasion d'intégrer donc le dispositif du Créalab sur le territoire du Lunévillois parce que en plus de mon association, en fait je suis ergothérapeute à 50% au CMPP de Lunéville, donc qui fait partie de l'association Les Peplorest. Et donc les Peplorest soutiennent aussi mon projet. Et voilà, sur le territoire du Lunévillois, c'était vraiment l'occasion aussi de rencontrer des personnes de Lunéville, de pouvoir échanger sur le projet à Lunéville, parce que à terme, on aimerait bien avoir une partie fixe donc sur le territoire des Célé-Nancy et une partie mobile sur le territoire du Lunévillois pour pouvoir emmener justement des poneys sur Lunéville et que les enfants du CMPP puissent aussi bénéficier en fait de séances de médiation équine. Et voilà, au niveau du Lunévillois, Isabelle et Elodie nous ont beaucoup aidé aussi. Et ce qui était bien, c'était que c'était pas les mêmes ateliers en fait entre France Active, la Serre à Projet, je veux dire, et le Créalable. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un diagnostic 360 qui a aussi été offert dans le cadre du dispositif Créalable. Donc ça m'a permis de pouvoir réaliser, on va dire, comment se plaçait mon association au niveau de l'environnement, au niveau de la société, au niveau du budget. Ça m'a permis aussi de rencontrer une comptable qui maintenant fait partie aussi de l'association parce que c'est elle qui a repris les rênes du budget. Franchement, c'est une super expérience et en tout cas, moi, j'invite tous les entrepreneurs qui se posent des questions, qui sont en début d'émergence, à rejoindre ces dispositifs parce que vous rencontrerez des magnifiques personnes. C'est super, en tout cas vous pouvez retrouver ces dispositifs sur franceactivelorraine.org. Merci Émilie d'être venue aujourd'hui, j'espère que cette émission va t'aider à récolter les fonds nécessaires. En tout cas, chers auditeurs, si vous avez envie d'aider l'association Au Pas des Chevaux, rendez-vous sur aucote.fr, donc okote.fr, avant le 10 août. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pourrez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bel été à tous. Au revoir tout le monde.